Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les années 50 en musique. Il y avait une tonalité de chansons qui n'était ni française ni américaine, et surtout distincte de la chanson française. Ferland, même en se forçant, n'arrivait pas à écrire comme Aznavour. Il écrivait du Ferland déjà et ça sonnait Ferland. L'éveillé, jamais eu. Il écrivait du l'éveillé. Hervé Brousseau, ça sonnait Hervé Brousseau. Il n'y a rien qui sonne plus Raymond Lévesque que Raymond Lévesque. On voyait tout à coup qu'il y avait là des pommiers qui donnaient des pommes. Pas besoin de se déguiser en prunier. Pour moi, c'est fondateur. Les années 50 en musique, ce sera Les Beaux-Os, bien sûr, dont parle ici l'auteur-compositeur Stéphane Venn. Les Beaux-Os que l'on associe souvent au véritable commencement de la chanson québécoise. Aux États-Unis, les années 50, ce sera les tout débuts d'Elvis Presley et de son passage remarqué au Ed Sullivan Show. Elvis qui sera peut-être la première grande star de la musique à être née à la télévision, d'ailleurs. Et puis les années 50 en musique, ce sera aussi l'année 1959, une année exceptionnelle qui va transformer le jazz à tout jamais. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bill Haley and the Comets qui chantent Rock Around the Clock, la première chanson rock à atteindre la première place au palmarès des 100 meilleures chansons. Ça s'est passé en juillet 1955. Très emblématique de cette décennie des années 50, cette chanson. Pour nous parler justement des années 50 en musique, le journaliste au devoir Sylvain Cormier, l'animatrice de l'ascenseur pour les étoiles à notre radio Élisabeth Gagnon et notre collègue d'ici musique Stanley Péan, animateur de Quand le jazz est là. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci. Allô, Jacques. Merci d'être avec nous. D'abord, un premier petit tour de table sur ce que ça évoque. Déjà, la musique vous a mis dans l'ambiance, mais quand on parle des années 50, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête, Stanley Péan? Ben, c'est une sorte de fausse quiétude qui va commencer à transformer cette musique-là et qui annonce déjà ce qui va se passer dans les années 60 et 70. Tout naît au milieu des années 50. Il y a un virage, une charnière. Oui. Élisabeth Gagnon. Les crinolines, les ice cream soda et la danse, le rock'n'roll. J'avais juste 6 ans et en 59, mais je pense qu'on commençait à danser déjà pas le mal. Le bon vieux temps, quoi. C'était... Dansais-tu? C'était la joie. Oui. Ben, oui. Moi, je veux une photo d'Élisabeth Gagnon en crinoline. Sylvain Cormier, pour moi, j'attends la photo. C'est le moment du Big Bang. Il y a un avant et un après. Oui. Il y a un moment où ça explose et plus jamais les choses ne seront les mêmes. Avant, le teenager, l'adolescent n'existe pour ainsi dire pas. On passe des culottes courtes au bleu de travail. Ouais. Et tout d'un coup, il y a un marché adolescent qu'on va nourrir par beaucoup de musique excitante. Ah, Mr. Sullivan, we know that somewhere out there that you're looking at and all the boys and myself and everybody out here are looking forward to seeing you back on television. And we'll be seeing you October the 28th in New York, and we're back on your show again. Friends, as a great philosopher once said, you ain't nothing but... Elvis Presley, lors de son premier passage au Ed Sullivan Show, le 9 septembre 1956. Ce qui est fascinant, ce sera marquant, le passage d'Elvis Presley au Ed Sullivan Show. Il y aura quelques passages d'Elvis Presley au Ed Sullivan Show. Mais oui. Sylvain Cormier, ce qui est extraordinaire dans cette affaire-là, on retient beaucoup le premier passage. Ed Sullivan, on l'entend, là. Elvis s'adresse à Ed Sullivan. Il n'est pas là. Il a eu un accident de voiture. C'est pas lui qui anime ce soir-là. Presley n'est pas à New York. Il est à Los Angeles. Ah, tout ça, finalement, est assez accessoire. On est au Ed Sullivan Show, de toute façon. Oui. Et Ed Sullivan est l'opportuniste par excellence. C'est l'homme qui a du flair. Mm-hmm. C'est l'homme qui sait ce qui se passe au moment où ça se passe et qui voit le vent tourner. Mais au début, il n'est pas convaincu, Ed Sullivan. Presley, évidemment, il dérange, puis on va en parler dans un instant, la gestuelle, tout ça, mais il n'est pas convaincu. Il ne veut pas l'avoir tout de suite à son émission. Il y a une progression qui mène à Ed Sullivan. Il y a plusieurs passages télévisés, débutant en janvier 1956 au stage show des Dorsey Brothers, un big band, où Elvis, avec son groupe, les Blue Moon Boys, sont vraiment un corps étranger qui sort du Sud, qui sort de Memphis, et qui est une bête indomptable, quelque chose d'insaisissable. Et il y aura comme ça plusieurs passages télévisés qui vont faire de plus en plus d'effets. Et fatalement, ça vient aux oreilles de Ed Sullivan, qui résiste d'abord, mais qui a trop le sens du showbiz et de ce qu'il faut présenter à un moment dans l'histoire pour faire l'histoire. Et puis, il regarde aussi les codes d'écoute de ses concurrents. Puis ça, on y reviendra, là, mais parce qu'il va aller ailleurs, justement, vous le disiez, Elvis Presley, avant d'aller chez Sullivan. Mais quand même, c'est très, très important ce qui se passe, donc, au Ed Sullivan Show lors de ce premier passage. Ladies and gentlemen, could I have your attention, please? I'd like to tell you that we're going to do a sad song for you. It goes something like this. On l'entend, c'est la folie, Sylvain Cormier, le soir du 9 septembre 1956. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces jeunes filles sont en cri et en pleurs devant Elvis Presley? Ben parce qu'on l'entend puis on le voit en même temps, déjà. Et 60 millions de personnes ont cet effet-là en même temps. 60 millions de personnes en 56 regardent cette émission-là. Il n'y a déjà pas beaucoup de stations de télé et le rendez-vous du dimanche soir, c'est le Ed Sullivan Show. Donc, clairement, parents et ados et enfants, tout le monde regarde la même émission en même temps. Les uns sont excités, les autres sont scandalisés. Et du jour au lendemain, Elvis fait les manchettes parce qu'il scandalise, parce qu'il excite, parce que les foules crient. De toute évidence, il s'est passé quelque chose et on a vu quelqu'un de totalement brut, de totalement original, pas touché par le showbiz. Qu'on ne reverra plus d'ailleurs. Ça va durer ça quelques mois. Quelques mois, très rapidement, lui-même va se formater. Il va se teindre les cheveux, il va tendre à imiter Jackie Wilson qui va voir à Las Vegas, il va changer sa gestuelle qui venait au départ un peu de la gestuelle des stripteaseuses qu'il avait vues à travers les cracks des planches dans les juke joints de Memphis. Mais Sylvain, ce formatage, c'est lui ou c'est le colonel Parker? Eh ben, c'est quand même les deux. C'est-à-dire que, de toute évidence, le colonel Parker veut qu'Elvis connaisse le plus grand succès possible. Faut dire, bon, pour les gens, que le colonel Parker est un peu le René Angelil de son époque. Ou plutôt le contraire. Exact, oui. Mais Elvis lui-même cherche à plaire, naturellement. Il s'amuse sur scène. On le voit quand on voit ses vieilles images. Il a du plaisir sur scène. Et ce bouillonnement animal plus fort que lui, ben très rapidement, lui-même va s'en amuser, jouer avec ça. Et va vivre avec cette distance que la télé fait. Pourquoi ça marche tant? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il incarne, au fond, Presley, quand il arrive au Ed Sullivan Show ou ailleurs? On parlait au tout début, il y a quelques minutes, de ce grand renouveau des années 50. C'est ça, là. Ben, il incarne la sexualité. Il incarne la liberté. C'est cette idée qu'on peut jouer une musique existante. Avant Elvis, il n'y a rien. Il y a un grand trou avec des novelty songs. C'était comme un gros sac de nanane qui donnait des caries. « Who's that doggy in the window » par Patti Page. Le palmarès est fait de niaiseries. Et surtout pas fait pour les adolescents qui se mettent à exister comme marché et qui ont besoin de quelque chose qui fonctionne au niveau des hormones et qui fasse réagir. Et Elvis arrive exactement au bon moment avec ce corps libre de mouvement et avec cette voix libre d'inflexion. Il incarne comme ça à la fois le hillbilly, le blues, le rhythm and blues, il incarne tout ce que Memphis a permis de réunir en lui et c'est le blanc qui ramasse tout ça en une personne au look extraordinaire et à l'attitude extrêmement libre. Et ça marche énormément. Vous le disiez, 60 millions d'Américains devant leur télé ce soir-là pour faire rêver les patrons. Écoutez bien ça, les patrons, là, 82 % oui. de part de marché oui. ce soir-là. Oui. Le Ed Sullivan Show. C'est pratiquement tout le monde. Ça. C'est tout le monde. Et ça fait, Sylvain Cormier, que les Beatles vont suivre quelques années après. Là, oui. l'industrie, là, il y a un déclic qui se fait. On comprend oui. l'importance de la télé. Oui, ben, et aussi, on comprend qu'il y a beaucoup de jeunes de cet âge-là, en même temps, qui ont de l'argent de poche pour la première fois de leur vie dans l'histoire de l'humanité. Il y a un marché oui. à nourrir. Et l'industrie du disque va se mettre à rouler en fonction de ça. Oui. Et ensuite, les vedettes à la Elvis vont se multiplier, de Jerry Lewis jusqu'à Buddy Holly. Et ça va se passer. Et la télé va, dans tout ça, être un joueur incontournable. Elvis, if I did that thing the same way you did it, do you think I could get all the girls the way you did? Well, you might not have to get girls, but at your age, it'll keep your blood circulating. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Elvis Presley au Milton Berle Show. Le Milton Berle Show, il le fait un peu avant d'aller au Ed Sullivan Show en juin 56. D'ailleurs, oui. quand Ed Sullivan va regarder les codes d'écoute du Milton Berle, il va se dire « Wow, je peux pas passer à côté d'Elvis Presley ». Je voulais qu'on entende cet extrait, Sylvain Cormier, ben parce oui. que c'est fabuleux. Là, il y a l'humour. Moi, je connaissais pas ça d'Elvis Presley. Le premier Presley, probablement, dont vous parliez il y a quelques minutes, là, l'authentique, mais c'est le jeune qui s'amuse, qui est drôle, voilà. qui est sympathique comme tout. Il s'est découvert dans le plaisir. Quand il enregistre « That's Alright Mama » en 54, c'est pendant une pause alors qu'il s'était essayé avec des balades, ça fonctionnait pas. Puis là, tout d'un coup, en s'amusant, « That's Alright Mama », c'est là que ça se passe. Et à partir de là, ben, son naturel et ouais. toute la musique qu'il a intégrée ressort par les pores de la peau. Ouais. Et quand on l'entend dans cette portion de Hound Dog, eh ben, c'est à son initiative que la finale est allongée en une version ralentie un peu justement à la manière des stripteaseuses. Et c'est là que sa gestuelle apparaît la plus dangereuse pour l'Amérique. Et c'est certainement là que Ed Sullivan Show se dit, voilà, je mm-hmm. veux ce danger-là chez moi. Absolument. Parce que c'est ça qui va faire l'effet. La dernière fois qu'il sera au Ed Sullivan, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais sa gestuelle, elle gêne quand même. Oui. Au dernier passage du Ed Sullivan Show, on ne le verra plus. On va voir le tronc de Presley. Voilà. C'est tout. From the waist up, dit la formule consacrée, à partir de la taille en montant. Et clairement, il est trop tard. On l'a déjà ben vu oui. au complet. Ouais. Mais la télé a cette velléité de gérer ça, d'essayer de tamiser ouais. ça un peu. Et bon, Elvis va se prêter à ça parce qu'il n'y a pas le choix. Ça sera quand même la dernière fois où il sera au Ed Sullivan Show. Et peu après, il va mm-hmm. se retrouver dans l'armée. On va lui couper les cheveux et le rock'n'roll en même temps. On termine ce bloc sur Elvis, mais d'abord, quel interprète formidable, ce gars-là. Parce que les Beatles viendront plus tard, puis il y a... moi, je suis en 64, mais il y a cette espèce de guerre. Est-ce que t'es plus Beatles ou plus Elvis? Mais ouais. Les Beatles, c'est les intellectuels, c'est l'écriture. Presley, c'est un interprète, mais quel interprète! Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, and I always will. Love me tender. Il est surtout la grande caution, la grande permission. À partir de là, il devient tout à fait possible pour un John Lennon en 57, dans une fête d'église, de faire son Elvis sur scène, puis qu'un Paul McCartney qui veut aussi faire son Elvis le rencontre et que cette rencontre ait lieu et qu'un nouveau petit mini Big Bang ait lieu. Et un peu partout, d'autres jeunes se forment en groupe et tout le monde veut être Elvis et ça va donner toutes sortes de décantations. Il y a une industrie du disque populaire qui est pas nécessairement faite par le Brill Building de Broadway qui déterminait qu'est-ce qui était un succès et qu'est-ce qui en était pas un. Et là, ça part de cette liberté-là qui autorise tout partout dans le monde des jeunes à être Elvis, y compris Johnny Hallyday en France. C'est vrai partout. Stanley Péan. Et c'est cette voix aussi. Quand on écoute la voix d'Elvis, on est obligé de... On perd tout sens critique. Il est extrêmement séducteur. Il a cette voix qui a des influences de blues, de gospel, et qui est tout à fait lui. Il a ramassé tout ce qui était venu avant lui, dans le sud, comme on a dit, c'est Memphis. Et cette voix-là, elle transcende tout. Ben bon, j'ai perdu mes souliers, ben bon. Ben bon, je courrai plus les jupons. Ben bon, si le pendu s'en est aperçu, ben bon, il y aura le temps d'oublier le trou que j'ai vécu. On se console avec un rien, le truc c'est de savoir accepter les gens bêtes et les citrouilles qui vous pendent au bout du nez. Ben bon, l'amour est éphémère. Ben bon. On était 5 ou 6 qui faisaient de la chanson. Qui faisions de la chanson et après, on travaillait pour personne, alors on s'est tous mis ensemble, on a trouvé un petit local dans une rue de l'Ouest, on a peinturé, on s'est trouvé une licence d'alcool, puis on a fait un spectacle à Saint-Cavalier-Veillé, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Brousseau, Jacques Blanchet et moi. Puis après, on s'est séparés, on est partis chacun de notre côté. Alors ça a été un petit peu le début de la chanson canadienne. Bien entendu, avant ça, il y avait eu Félix Leclerc. Mais entre Félix Leclerc et les Beaux-Eaux, il n'y avait rien eu, là, ou à peu près. Alors nous, on a recommencé, on a presque réinventé la chanson. Ben bon, pour celui qu'on enterre. Jean-Pierre Ferland à l'émission Pour une mémoire, diffusée en 1970. Jean-Pierre Ferland qui dit, Élisabeth Gagnon, c'est pas rien quand même, qui dit que les Beaux-Eaux, je le cite, ou à peu près, ont réinventé la chanson canadienne, la chanson québécoise. Est-ce qu'il y va un peu fort en ketchup? Je pense que oui. Oui? D'une certaine manière, l'ébullition dont on parlait il y a un instant avec Sylvain, c'est-à-dire tout ce besoin de la jeunesse de s'exprimer puis d'avoir des idoles, c'est latent chez nous aussi. Et chez nous aussi, ils ont le goût de dire des choses, de s'exprimer. Ça s'exprime par la chanson d'auteur qui va devenir donc les auteurs, compositeurs, interprètes. Mais à ce moment-là, on les appelle la chanson canadienne, française. Ouais. Et après ça, ça va devenir les chansonniers. Eux vont marquer le pas de ce qui va s'appeler les chansonniers. Que la Jean-Pierre musique qui oublie, bouge plus, ça va venir plus tard. Là, si on fait le parallèle avec Presley, on a ce passage plus chanson française, au fond. Oui, exactement. Parce que l'importation des boîtes aux chansons ou des boîtes à chansons, ça vient un petit peu des cabarets de Paris, Rive-Gauche. Ouais. C'est dans la mouvance. On se dit, bon, ben, si eux en font des petits lieux comme ça, on est capable. Il y a beaucoup de gens qui voyagent en Europe et qui reviennent avec l'idée. Donc, on pense... Bon, les Beaux-Eaux, c'est la première boîte. Parce que c'est ça aussi, c'est un lieu physique, ça, physiquement, c'est important. Physiquement, c'est la première fois. C'est au-dessus du restaurant Le Lutèce et c'est le restaurateur, en fait, pour compléter l'histoire de Jean-Pierre, c'est le restaurateur qui leur prête le local et qui s'occupe du bar, mais eux s'occupent de l'entrée et ça coûtait 1 $ Ah oui. Pour une soirée. Sylvain Cormier. Sur la rue Cresson, dans l'ouest. Oui. À côté de l'ancien Radio-Canada. Pourquoi? En fait, pourquoi? Proche de Radio-Canada, parce que c'est dans la mouvance aussi de... Et ces gens-là travaillent en partie à Radio-Canada. Jean-Pierre travaille à Radio-Canada comme commis. Et ils ont besoin, tout ce monde-là, de se faire connaître. Et ils travaillent tous à Radio-Canada. Hervé Brousseau fait une émission jeunesse à Radio-Canada. Tout ce monde-là ont des petites connexions. Ceux les plus connus, c'est Clémence, qui est la coqueluche à ce moment-là, qui travaille beaucoup. Et l'autre, c'est Raymond Lévesque, qui est très connu parce qu'il revient de ses 6 ans en Europe. Mm-hmm. Il a fait plein de choses. Il a déjà écrit « Quand les hommes vivront d'amour ». C'est lui qui a le plus d'expérience. C'est lui qui a le plus d'expérience. Ouais. Il a, à ce moment-là, 31 ans. Ouais. Les autres, Jean-Pierre Ferland a 25 ans, Clémence 26, Claude Léveillé 27, Hervé Brousseau 23, c'est le plus jeune de la gang. Et lui, il va gagner un concours de la chanson canadienne l'année d'avant, en 58. Mais ce que Jean-Pierre oublie dans sa mémoire, c'est que juste avant... que commence à faire ça. Il y a eu Germaine Dugas, qui a été une des premières femmes auteurs-compositeurs au Québec. Entre elle et la Bolduc, c'est vrai qu'il n'y a rien. Et après, il y a Jacques Blanchet aussi qui est arrivé, qui va aussi prendre le relais de Claude Léveillé dans Les Beaux-Eaux, qui va faire partie des Beaux-Eaux un peu, qui a écrit et qui a gagné l'année d'avant la création des Beaux-Eaux, avec sa chanson « Le ciel se marie avec la mer », il a gagné un concours de la chanson canadienne. Et c'est pour ça que Clémence, dans l'introduction de la fameuse chanson des Beauzeaux, elle se moque de Jacques Blanchet et de « Le ciel se marie avec la mer » dans leur petite ritournelle d'introduction. Il faisait ça. Et chaque soir, c'était différent parce qu'il pigeait au sort. Hein, il tirait au sort qui commence le spectacle. Il ne fallait jamais que ce soit le même. Il ne voulait pas être la remorque de l'un ou de l'autre. Ouais. Chacun était très indépendant. Ça nous mène à la grande question. Au fond, on est devant quoi? Qu'est-ce que c'est que les Beauzeaux? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un collectif? Je vous propose d'écouter Robert Charlebois, Sylvain Cormier. C'est une réaction aussi. Il faut toujours un catalyseur pour que les choses changent. Oui. Et il y a la fameuse grève des réalisateurs à Radio-Canada. Ça va être important. Qui suscite un certain nombre de spectacles pour venir en aide à et où vont se retrouver ces gens-là. Puis ça, on va y revenir, Sylvain, parce qu'il y aura, ce sera fondamental pour l'après-Beauzeaux, parce que là, on est en pleine grève des réalisateurs, mais ça va finir, cette grève-là. Puis il y aura un peu du positionnement. Là. Les Beauzeaux seront du bon bord. Il y aura les anciens et les nouveaux. Les Beauzeaux seront du côté du nouveau. Bon, on va y revenir, mais sur ce à quoi on a affaire. Robert Charlebois et Gilles Vigneault, qui tentent, vous allez voir, c'est amusant, qui réfléchissent à haute voix, qui se disent, c'était quoi finalement les Beauzeaux? C'était un groupe, c'était, je sais pas trop. On les écoute. Extrait de Pour une mémoire en 1970. Puis vous entendrez après Charlebois et Vigneault, Clémence Desrochers, interviewé en exclusivité, on en est fiers pour Aujourd'hui l'Histoire, par l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Imagine les Beauzeaux, le groupe que ça aurait fait. Pense à ça deux minutes, s'ils étaient restés ensemble. C'était un groupe. Ça a fait un groupe. Mais pendant un temps si rapetissé, peut-être que ça n'a pas eu la portée et ça n'avait pas les moyens à ce moment-là des groupes actuels. Non, mais c'était, d'après moi, c'était un groupe, un vrai groupe. Oui, c'était. Parce qu'eux autres, il y avait des personnalités très différentes. Tu sais, si tu prends, disons, Léveillé, Clémence, Raymond Lévesque, tout ça, là. Oui, avec les changements qu'il y a eu, Hervé Brousseau, Jacques Blanchette, qui a été à travers de ça. C'est ça. Mais ça, c'est tout du monde qui ont quasiment aucun rapport entre eux. Tu sais, comme personnalité, là, c'était un groupe parce qu'ils travaillaient ensemble à la même place. On n'était pas les Beatles. On n'était vraiment pas fait pour durer des années, des années. Ça s'est brisé assez vite. Oui. On était des individualistes et tu vois, chacun écrivait paroles et musique et c'est ça qu'ils voulaient vendre et on interprète soi-même. On voulait faire des one-woman shows. Ou des one-man shows. Ouais. Alors, Élisabeth Gagnon. C'est un tremplin. C'était quoi cette affaire? Un collectif, un lieu, évidemment, on l'a dit, c'est important, le lieu. Bon, alors la genèse, puisqu'on parlait de la grève de Radio-Canada tantôt, ça a commencé un peu cette histoire-là en mai 59, mais il y a un pré-Beauzeaux qui va être le 6 mai au Théâtre Jésus, le gala des chansonniers canadiens-français, et qui est un petit peu, donc, pour soutenir toute cette mouvance de grève des réalisateurs et tout ça, avec au programme Jacques Blanchet, Hervé Brousseau, Serge Desglin, Clémence, Germaine Dugas, Marc Gélinas, Jean-Pierre Ferland, André Lejeune, Claude Léveillé, Raymond Lévesque, bref, tout ce qui chante à l'époque est là. Et ils ont du plaisir à chanter ensemble. Claude Jasmin a fait un espèce de beau petit décor Parc La Fontaine sur la scène du Jésus. Et Marcel Dubé signe les textes de cette continuité-là d'un soir. Et là, va germer dans la tête, si on le fait une fois, pourquoi on ne le fait pas deux fois? Pourquoi on ne se rassemble pas? Et l'idée va naître de se rassembler et de créer les Beauzeaux pour justement se faire connaître, se faire valoir. Et ça va marcher. Parce que malgré la grève de Radio-Canada et à cause de la grève, d'une certaine façon, tout le monde va fréquenter la boîte. Exact. Parce qu'ils ont c'est le temps. C'est une boîte courue. Et après la grève, il y a 20 nouvelles émissions qui vont naître au réseau français de Radio-Canada, à la radio et à la télé. On a besoin parce de monde. Qu'on a pigé tout ce monde-là dans les Beauzeaux. Ouais. Ferland va faire ses débuts au musical. Clémence aura une continuité radio. Est-ce que c'est une affaire de génération aussi entre ces jeunes? Vous donniez leur âge tout à l'heure. Les Beauzeaux et les réalisateurs de Radio-Canada, c'est la même génération? C'est la même gang, tout ce monde-là? Un peu. Oui. Et puis, toute cette mouvance de « on a fait une boîte qui a attiré l'attention ». Et là, en l'espace de deux mois, ils vont être copiés partout au Québec et il va y avoir au bout d'une année, 200 boîtes à chansons. Incroyable. Partout. Puis c'est la quoi, deuxième, c'est la boîte à, c'est Mathieu. Oui. La boîte à Mathieu. La différence, Elisabeth, parce qu'on on le perd de vue avec le temps qui passe, mais c'est pas rien, là. La boîte, parce qu'il y avait eu les cabarets à Montréal, le Faisan Doré. Le Faisan Doré, remarquez, si on avait fait attention. Jacques, je pense qu'il y a une phrase qui explique tout, et c'est Félix qui l'a dite. Il dit... Puissante et libre chanson du Québec, enfin tu es venue une des premières lumières de notre noirceur. Ouais. Ça arrive là. Ouais. La Révolution tranquille, après et tout. Et puis dans un là, lieu, dans un lieu Sylvain Cormier où on écoute. Ça, il y avait eu des cabarets, mais où on fumait, on buvait. Là, on écoute. La boîte à chansons, c'est ça aussi. Ouais. On écoute la musique. Ben, c'est une force conjuguée, c'est-à-dire que bon, on sent que tous ces talents sont distincts, que ce qui va se passer quelque chose pour chacun d'eux, mais il y a ce moment, ce rassemblement, c'est comme une messe. Oui, oui, c'est ça. Où là, veut dire ensemble, on prend conscience de qui on est ensemble et qu'on a cette force générationnelle et que veut dire ça demande qu'à fleurir tout ça. Et Georges Dor l'a dit dans sa chanson qui s'appelle Une boîte à chansons, on y entend battre les cœurs à l'unisson et on en voit toutes les couleurs de la chanson. Et puis je pense que ça veut dire aussi, on parle des Bozos, c'est une boîte où il y avait de l'alcool, mais les trois quarts des boîtes à chansons au Québec n'avaient même pas de permis d'alcool. On buvait des liqueurs et de l'eau, là, et des tisanes. On revient à votre crème soda du début. C'est ça. C'était très sage, les boîtes à chansons. Il y a des confluences fructueuses. Pour moi, Clémence avec les Bozos, c'est comme Yvon Deschamps avec le Stitch Show. Exactement. Je veux dire, il y a des moments comme ça où on se retrouve ensemble pour être plus fort, pour ensuite être chacun plus fort de son bord. Mm-hmm. Et ça va être très couru, on l'a évoqué, mais c'est un lieu, il y a tous ces gens de Radio-Canada qui s'y retrouvent. Mais il y a des vedettes, il y a des Français qui y débarquent, Yves Montand, Simone Signoret et bien sûr Édith Piaf. À nouveau, Clémence Desrochers au micro de Steve Normandin, puis vous allez entendre ensuite Claude Léveillé au micro de Jacques Houd en 1981. On avait décidé de faire un mur blanc sur lequel chaque personne célèbre qui nous rendait visite trempait sa main dans la peinture et l'appliquait sur le mur. Donc, on a eu des mains célèbres. Et les beaux souvenirs, c'est les événements marquants, comme par exemple la présence de Édith Piaf. En juin 59. En juin. Quand elle arrive, c'est qu'elle est là d'abord. Comment ça se fait? C'est que c'est Jean-Pierre Ferland qui l'avait approchée parce que lui, il rêvait de faire des chansons pour elle. Alors, il l'a approchée, elle est venue, elle a dit « Oui, je vais aller entendre ça. » Et elle est venue chez les Bozos au moins deux soirs. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui, pour quelques sous, vous tirent deux disques coup sur coup, bah, pourvu que ça joue. Nous, on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont tus, paralysés, qui ne sont plus qu'objets d'antiquité, qui autrefois faisaient la joie des salons, et ils étaient les grands rois de la chanson. Et comme je jouais au piano droit, à ce moment-là, sur un piano droit, parce que le piano à queue pour nous, ça n'existait pas, le piano droit était... Le clavier faisait dos au public, c'est-à-dire que je chantais de dos au public, mais carrément de dos, puisqu'il était appuyé sur le mur d'en face, la scène. Je terminais mon tour de chant avec les vieux pianos, et chose bizarre, ce soir-là, j'entends rien dans la salle, personne n'applaudit. Je dis, tiens, mon premier bide, mais un joyeux. Mais c'était vraiment un silence de mort, donc je me retourne pour saluer quand même. J'avais tout le monde qui me regardait, fixé, puis je voyais, j'ai vu la première table, une espèce de dame, un peu, les cheveux un peu farfelus, rousse. Oui, si ma mémoire est bonne. Avec ses grandes mains prêtes à applaudir, il me regardait avec un grand sourire. Dès que je l'ai regardé, il s'est mis à applaudir, alors tout le monde s'est mis à applaudir. C'était la Piaf qui C'était la Piaf qui nous a dit, écoutez, les vieux pianos, on fait une partie du tour de chant. Et c'était à ce moment-là qu'elle avait accroché, elle aussi, qu'elle avait décidé de l'enregistrer. Ah, elle voulait la faire, tout de suite, en attendant ça. Puis elle voulait que je parte, alors je suis parti. La belle époque du piano nostalgique. Il est parti, effectivement, il l'a suivi. Mais Piaf aurait voulu les traîner tous les cinq, parce qu'elle a dit, j'aimerais voir les cinq Bozos en Europe, vous auriez un succès très grand. Ouais. Et elle trouvait Clémence, très, très drôle, et elle a dit « C'est rare qu'une femme puisse être comique avec autant d'esprit. » Et pendant que Clémence faisait son numéro, elle disait « Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce, oui, qu'il, c'est dit? Ça. Qu'est-ce qu'il a dit? » À son copain qui était avec, elle comprenait rien. Alors, et comme Clémence l'entendait dire « Qu'est-ce qu'il a dit? » Elle répétait par commencer juste pour elle. Ouais. Pour l'éveiller, évidemment, ça va changer sa vie complètement. Bien sûr. Mais pour tous, ben enfin tous, ça sera un tremplin extraordinaire. Dire, bon, on peut dire que Hervé Brousseau est un peu celui qui sera laissé à la traîne un peu dans toute cette histoire-là, mais clairement, chacun va en profiter pendant cette année extrêmement intense de vie à cinq, pour se distinguer, pour se créer des personnalités encore plus distinctes, pour écrire des chansons beaucoup, pour être prête à sauter. C'est un grand truchement que les Beaux-Eaux. Parce que dès 61, après ça, à la Butte à Mathieu, Raymond Lévesque va commencer ses revues et ça va durer pendant des années et des années, tout ça aussi. Ouais. Chacun de son côté aura... Ils sont prêts, quoi. Ils sont, ouais, une fois que... Et même que ça n'a pas duré un an, cette histoire-là. Dans une salle qui était tout petite, ça n'avait pas 100 places, ce cabaret du Tesla, les Beaux-Eaux. Ça avait 90 places. C'est pas gros, là. C'est fou quand on c'est y pense. Alors, c'est un petit germe qui a essaimé et qui a créé et qui a donné la chance au Léveillé, au Gauthier, à tous les autres de partir puis de faire toutes les boîtes à chansons au Québec et de nourrir ce qui va devenir notre chanson québécoise. Ouais. Puis la première chose qu'on sait, voilà Claude Léveillé à la Place des Arts naissante, avec son André Gagnon de pianiste. Et ça, on l'a oublié, mais André Gagnon était là au début. C'est lui qui accompagnait les Beaux-Eaux. Il compte beaucoup là-dedans. Et il avait 17 ans. Voilà. Imaginez. Il y a une ébullition formidable. On l'a un petit peu signalé au début de l'émission, mais les années 50, c'est vraiment le tournant qui va préparer l'explosion des années 60. Les Beaux-Eaux, 59. Et puis, en jazz, l'année 59, ça va donner ceci. In 1959, four major jazz albums were made that changed music forever. Miles Davis, Kinda Blue. Dave Brubeck's Time Out. Charles Mingus, Mingus Aham. And Ornette Coleman's The Shape of Jazz to Come. 1959 was a very important jazz year for me and my own development and the evolution of jazz up until now and beyond. It was the end of the Eisenhower era, 2.5 children and the white picket fence. In 1959, jazz is reaching white America in a big way. Oh, why are they so sick and ridiculous? 1959, l'année qui changea le jazz, c'est le titre d'un documentaire de la BBC réalisé en 2009 dont on vient d'entendre un extrait. 1959, vraiment, c'est un épéant, une année exceptionnelle. Il y en a plus que quatre, mais il y en a quatre disques majeurs qui vont être produits cette année-là, qui vont changer le jazz à tout jamais. Qu'est-ce qui se passe en 59? Qu'est-ce qu'on met dans l'eau, dans le scotch des jazzmen, Stanley Payne? Il y a des antécédents à cela. Depuis le milieu des années 40, le jazz essaie de s'affranchir de la contrainte qui est la musique populaire de Broadway, les chansons des comédies musicales, ce qu'on appelle les standards, même quand les compositions originales ne sont pas ces standards-là, et elles se conforment à la structure. Et là, les musiciens essaient d'échapper à cette structure-là à cause du côté répétitif de la chose. Et chacun cherche comment s'en sortir. Et Miles Davis, avec d'autres, avait réfléchi à la question d'improviser sur des gammes plutôt que sur une suite d'accords prédéfinis. Alors là, on peut rester aussi longtemps dans telle gamme qu'on veut. Puis on crée de la pure mélodie sans se soucier de la structure de la chanson populaire. La chanson populaire est en train de changer de toute façon, est en train de devenir le rock'n'roll. Ouais. Le jazz n'a plus à faire danser, les jeunes ne dansent pas. Ces jeunes-là, à part ceux des collèges et des universités qui écoutent Dave Brubeck, qui lui aussi va contribuer à 59 de manière extraordinaire. Avec lui, sa solution à lui, c'est d'aller chercher des formes classiques, d'aller chercher des signatures de temps, qu'on dit, des métriques classiques, là, du 5-4, du 9-4, des trucs qui sont pas dansables. C'est ça qui est extraordinaire en 59, mais on va y revenir à Brubeck, puis aux quatre albums, un par un, mais chacun, en fait, c'est vraiment une année qui change le jazz. Là. Chacun y apporte une touche révolutionnaire. Oui, Charles Mingus, qui lui était parti du swing, puis qui a passé par le bebop, puis qui... qui finira par presque arriver au free jazz, mais pas de la même manière qu'Ornette Coleman, qui lui va émerger comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Mais Mingus, lui, dans ce disque-là, Mingus A. Hum, il a deux thèmes extraordinaires. Il y a le Goodbye Pork Pie Hat. C'est l'adieu à Lester Young qui est mort cet été-là, 59. Peu de temps après sa grande amie Billie Holiday. Ouais. C'est comme si c'est des représentants de ce qui était avant. Donc, le jazz de divertissement. Encore là, il y a un virage. Il y a un virage. Ils partent et les autres prennent la relève. Et Goodbye Pork Pie Hat, c'est un hommage, c'est un adieu. Puis en même temps, c'est une musique nouvelle qui va devenir une grande chanson par Joni Mitchell plus tard. Et tout ce monde-là se connaît, Stan Lepian. On est à New York. C'est une faune qui se fréquente. Ils se fréquentent. Des fois, ils ont leurs petits accrochages. Le Mingus a travaillé avec Miles. Et ils s'entendent, mais pas tant que ça. Dave Brubeck, qui est sur la côte ouest, mais qui est souvent à New York, c'est un ami de Miles. Il est dans la lignée de ce que Miles avait lancé avec d'autres, ce qu'on appelle le cool jazz. Et lui, c'est lui qui va, parce qu'il est de formation classique, il va aller le plus loin là-dedans de ce mélange de jazz et de musique classique qui est tout à fait nouveau, qui est tout à fait frais et qui va vraiment... Il l'avait essayé avant, mais là, vraiment, sur Time Out, il a vraiment mis tellement trouvé la formule parfaite qu'il va réessayer. Il va faire Time Further Out, Time In. Mais c'est Time Out qui est devenu le classique. Sylvain Cormier. Des disques qui pénètrent des maisons où le jazz n'entrait pas. Oui. Ouais. Moi, je fais beaucoup de ventes de garage et j'en trouve encore partout. Ça sort des sous-sols, ce Time Out que tout le monde a acheté. En 59. Il y a des disques comme ça qui ont vraiment sorti le jazz de son ghetto. C'est le dernier des grands disques de cette année-là. Il sort en décembre. Il est la critique l'a descendu en flamme, mais tout le monde, le public l'a adopté, si bien que la critique est obligée. Tout le monde le voulait. La critique est obligée de dire qu'est-ce qui se passe. C'est pas quelque chose de racoleur, tellement. Est-ce que ce que Sylvain Cormier évoquait, Stan Lepian, c'est le jazz qui sort de la communauté noire? C'est beaucoup ça, pour les trois disques que l'on a dit, le Mingus, le Miles et le Dave Brubeck. C'est moins le cas pour Ornette Coleman, qui, lui, est un disque recevable. C'est pointu. Ouais. Alors voilà, ça, c'est le free jazz. Ouais. C'est-à-dire que là, comme sur Kind of Blue, on n'est pas intéressé à des suites d'accords. Mais une fois qu'on a exposé le thème, on peut aller n'importe où. Ouais. Et aller n'importe où, c'est un grand, grand danger. Ce sont des musiciens qui avaient un talent. Là, c'est la rencontre entre ce saxophoniste Ornette Coleman et Don Cherry à la trompette. Une telle complicité qu'on peut faire ça, mais c'est pas évident et c'est cacophonique pour certains auditeurs. Mais on va revenir sur sur Kind of Blue, ce qu'on considère encore aujourd'hui comme c'est mon disque plus grand disque de l'histoire du jazz. Mon disque d'île déserte. C'est encore le plus grand disque de jazz de l'histoire. C'est encore celui qui se vend le mieux. C'est celui que j'offre, moi, aux gens qui me disent par quoi commencer. Il faut commencer par... Il y a eu d'autres disques avant, des très grands disques, mais ça, c'est un disque qui... englobe ce qui était venu avant, encore une fois, comme on dit. C'est ça, un disque charnière. Il prend tout ce qui est venu avant, transforme et annonce ce qui viendra après. Oui. Pour Miles et pour le jazz. Pour Miles, qui a souffert de Kind of Blue. Après ça, il a lui-même tenté de diminuer l'importance de Kind of Blue. Il disait, je sais pas pourquoi tout le monde s'excite là-dessus. C'est deux après-midi du printemps 1959. C'est rien d'autre. Je suis allé en studio, je fais ça. J'aurais pu faire d'autres choses. Et en même temps, pendant des années, à la fin de sa vie, on lui réclamait les pièces de So What. Le public, dans les années 80, lui disait, joue So What, joue Blue and Green. Et lui, il leur répondait, allez acheter le disque. Ouais. Mais moi, je veux quand même pour ce que je fais maintenant, pas pour le truc qu'il a fait il y avait 33 ans il a fait Kind of Blue. C'est lourd à porter, c'est la moitié de sa vie, il est mort à 65. Cette idée de fixer dans le temps est à l'encontre de l'idée même du jazz. Donc voilà, ça s'est passé en studio ces journées-là, mais à chaque fois sur scène ensuite, il s'est aussi passé autre chose. On comprend pour nous à quel point on peut écouter, réécouter et réécouter cet album-là, mais on comprend pourquoi pour les artistes, c'est ils regardent devant. D'emblée le passé. Ce que dit Sylvain, c'est tellement vrai que des cinq pièces de Kind of Blue, il n'y a que So What que Miles Davis joue sur scène. Il n'y a aucun enregistrement de concert où il revisite ces autres thèmes-là, parce que pour lui, c'est déjà vieux. Après Round About Midnight, il y a un grand classique qui est probablement un des 7 ou 8 classiques du jazz moderne. Il s'agit de So What, qui a été enregistré à peu près en 1959, je n'ai pas la date exacte, qui est sur Étiquette Columbia, où on retrouve ce qui est probablement un des meilleurs groupes qu'on a jamais réunis pour une session d'enregistrement. Il s'agit de Miles Davis, naturellement, Cannonball Adderley, Bill Evans au piano, John Coltrane au ténor, Paul Chambers à la contrebasse, et le batteur était Jimmy Cobb, si je me souviens bien, et c'était aussi, si je me souviens bien, le seul élément un peu faible du groupe. Gilles Courtemanche, qui parle du talent exceptionnel des musiciens qui accompagnent Miles Davis dans Kind of Blue, mais Stanley Pierre, c'est vrai, parlons-en, autour de Miles, mais autour des autres grands disques de 59, il y a une pépinière de talent fabuleuse, des musiciens extraordinaires. Oh, on disait que New York était la mecque du jazz, elle l'est encore un peu, c'est juste que le jazz est moins présent dans la vie du grand public, mais cette équipe de rêve que Miles Davis a réunie autour de lui, ce sont tous des musiciens qui vont avoir des carrières extraordinaires quand ils vont quitter l'orchestre de Miles Davis. Même le batteur. Y compris Jimmy Cobb, que j'adore, qui est le seul survivant de cette époque et de ce disque-là dans la carrière de Miles. Mais Jimmy Cobb, qui revient parfois à Montréal, il est 80 ans dépassé, là, toujours actif. Autre grand disque en 59, puis je vous ai retenu parce que je voulais commencer par Kind of Blue, mais vous vouliez tout de suite, tous les trois, y aller. Le fameux Take 5 de Dave Brubeck. Un jour, Joe Morello, le batteur de Dave Brubeck, a fait un chorus de batterie, mais à 5 temps. Il a dit, moi aussi, je peux jouer à 5 temps. 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, et il demande à son saxophoniste génial, Paul Desmond, « Dis-moi, Paul, t'avais pas joué un truc, là, il y a 6 mois, qui faisait... » Par hasard, un truc comme ça, Paul, il dit « Si, mais bon, c'est rien, c'est juste une idée comme ça, ça marchera jamais. » Et en fait, Dave Brubeck, « Si, allez-y, toi, tu joues à 5 temps, et toi, tu joues le thème, et ça a fait un tube. » Le pianiste Antoine Hervé, qui raconte à la télévision française en 2014, fabuleuse qu'on vient d'entendre, le génie de Take Five. Stanley Péan, c'est une petite révolution, Take Five. C'est quoi cette révolution en 5 temps? Ben, c'est ça, c'est le jazz jusqu'ici était 4-4, c'était très dansant, c'était le rythme du swing, et tout d'un coup, Brubeck a envie de varier la proposition rythmique. Il dit, on n'est pas obligé de jouer en 4-4, et donc il y a sur ce disque des valses, donc en 3-4, il y a du 7-4, des fois dans la même pièce, on utilise des... Ça a l'air extrêmement théorique et tout ça, et ça a donné un disque tellement facile à écouter, parce que de toute façon, pour peu qu'on soit mélomane, on avait déjà entendu ces métriques étranges dans la musique classique, et là, tout d'un coup, le jazz se permettait d'aller là. Il brise la convention. Il ne veut plus faire danser. Déjà, depuis 15 ans, ce n'est pas une préoccupation de faire danser le public. Ouais. Et des touches classiques aussi chez Dave Brubeck. Dave Brubeck qui a étudié avec Darius Milhaud, qui voulait être compositeur classique. Bon, il a eu cette autre carrière, même s'il est revenu au classique plus tard dans sa vie, Dave Brubeck. Ouais. Il vient de cette culture-là, même s'il est très, très attaché au jazz. Pourquoi, Sylvain Cormier? Tout ce qui nous apparaît compliqué comme changement, finalement, veut dire, sert de pont vers un plus grand public qui, lui, reçoit ça comme quelque chose d'étonnamment léger, d'étonnamment accessible. Au contraire de cette idée qu'on avait un peu d'un jazz pour puristes. Et il y a comme ça une rupture qui tient justement à ces changements qui sont finalement étranges a priori, mais qui finalement sont populaires d'une autre façon. Ça va nous mener jusqu'à la bossa, ça va nous mener jusqu'à toutes sortes d'autres rythmes. Non, et puis on sous-estime peut-être la part de Paul Desmond. C'est lui qui a signé ce thème-là, le plus connu, Take Five. C'est Paul Desmond qui est l'auteur de la mélodie. Et c'est un saxophoniste extraordinaire. C'est un saxophoniste qui, dans sa génération, c'est l'un des rares qui n'essaie pas d'imiter Charlie Parker. Mm-hmm. Il a d'emblée tout de suite son son à lui, qui est un son proche de la clarinette, finalement. Il joue de l'alto. Et qui a cette sonorité aérienne qui porte cette musique-là de manière tellement magistrale. Ça ouvre le jazz à la télé. On parle tantôt de Elvis à NBC ou Ed Sullivan. On parle de Radio-Canada où tous les chansonniers vont se retrouver. Eh bien, les jazzmen, finalement, vont avoir accès au Steve Allen Show dans des émissions de fin de soirée, au Playboy After Dark. Et Steve Allen qui est lui-même un pianiste de jazz, en plus. Mmh. Exactement. Et donc, il y a comme ça la télé qui démocratise tout ça et qui donne accès. Mais il y aura, c'est tellement une grande année, l'année 59, qu'il y aura aussi autre chose qui là est un petit peu moins grand public. Alors là, on est ailleurs avec The Shape of Jazz to Come, d'Ornette Coleman. On peut dire, Stanley, que c'est la vraie naissance du free jazz? Ou... Oui, c'est la naissance du free jazz. Et c'est la deuxième querelle dans l'histoire du jazz entre les anciens et les nouveaux. En 1944-45, quand Charlie Parker et Dizzy Gillespie inventent avec Monk et d'autres le bebop, les musiciens de swing, le public du swing se demande qu'est-ce qui se passe sur scène. Louis Armstrong dit « Je sais pas ce que ces gars-là jouent, mais c'est pas du jazz. Ouais. » Et là, tout d'un coup, cette génération-là, 15 ans plus tard, Miles Davis, Charles Mingus, qui était de la génération du bebop, voit arriver Ornette, le petit jeune qui débarque, qui vient du rhythm and blues, mais qui lance cette musique-là, qui est cacophonique, volontairement cacophonique, mais ils se retrouvent toujours. C'est la complicité du groupe qui fait qu'ils se retrouvent, eux. Et Mingus dira d'Ornette Coleman, c'est formidable qu'il se passe des accords, mais je pense qu'il joue ça parce qu'il n'est pas capable de les suivre, les grilles d'accords. Je pense que c'est son impuissance à suivre une grille d'accords simple qui fait qu'il fait n'importe quoi. Alors, John Lewis, qui est de la même génération, c'est lui qui les a fait entrer chez Atlantic Records, qui a convaincu. Ouais. Atlantic Records, c'est le label où Ray Charles accumule les succès, et c'est le même label qui va lancer Ornette Coleman, donc... Il y a quelque chose là. Puis Sylvain Cormier, en écoutant l'extrait, vous disiez un peu en boutade, mais c'est un pied de nez finalement. Là, on se disait, le jazz tout à coup devient respectable, accessible. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est le jazz qu'il faut mériter. Ouais. C'est comme suivez-nous si vous pouvez. Ouais. Nous sommes irréductibles. Exact. Vous ne nous aurez pas si facilement. Et Ornette a sorti 4 albums cette année-là. Alors, il est tout nouveau. Le label Atlantic accepte de sortir 4 micro-sillons d'Ornette Coleman. Ouais, on voulait l'imposer. Donc Coleman qui est pas la tasse de thé, vous nous le disiez de Mingus. Mingus qui va aussi, en 59, signer tout un disque. Charles Mingus, Mingus Ahum, pourquoi c'est un de ces 4 grands disques de l'année 59, Stanley Perrin? La force des thèmes d'abord. Mingus, qui est un type qui a commencé dans le swing avant d'adopter le bebop, arrive à cette musique qu'on peut juste définir en disant que c'est du Mingus. Mm-hmm. C'est difficile de l'attacher maintenant, à ce moment-là de sa carrière, de l'attacher à un mouvement. Mais on sent chez lui... cet attachement, cette nostalgie des formes qu'il a toujours aimées. Il y a beaucoup de gospel dans ce qu'on vient d'entendre là, dans « Better Get Hit in Your Soul ». Et c'est un activiste politique. C'est quelqu'un qui est revendicateur, qui a un message à passer. La Columbia va refuser le texte de Fables of Phobos qui s'attaque à un gouverneur raciste du sud des États-Unis. Ils vont lui dire, tu peux enregistrer la version instrumentale, mais nous, on peut pas accepter le texte. Ouais. Donc, carrément, il l'interpelle. Il l'aura enregistré ailleurs par la suite. C'est pour ça qu'on le sait. Il interpelle Phobos pour lui dire, ça marchera pas. Ta résistance au changement, parce que c'est le changement que proposent tous ces disques-là. C'est un jazz qui n'est plus le jazz de papa. C'est pas, et avec tout le respect que Mingus avait, Mingus était contrebassiste chez Duke Ellington. Il va enregistrer avec Ellington 2 ou 3 ans plus tard en lui disant, tu sais, on va jouer des trucs avant-gardistes. Ce que Ellington avait accueilli en disant, vraiment, ces trucs vieux jeux? Ouais. C'est un, puis j'ouvre à, dans les autres genres aussi. Ça se reflète dans tous les domaines. En chanson, c'était pareil. Ouais. C'est-à-dire la rupture avec la chanson française qui nous était imposée, avec la bonne chanson, avec tout ce qui était venu du vieux continent. Nous, on a le droit d'exister aussi. Donc, on a le droit de dire des choses à notre manière et avec nos mots à nous. Alors, ça aussi, c'est une prise de position. Même chose pour les palmarès préfabriqués. Ouais. Qui vont devoir faire une place à ce rock'n'roll libre et fou. Ouais. Dernier tour de table. Évidemment, on a dû choisir. Je pense qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque, mais quand même, pour le plaisir, Élisabeth Gagnon, puis je veux vous entendre tous, de quoi on aurait pu aussi parler en parlant de ces années 50 en musique, Élisabeth? Je pense que ce qui est difficile de comprendre de toute cette époque aussi, c'est qu'il faut se resituer dans notre... politique de l'époque. Quand on arrive à parler du vent des années 60 avec tout ce qui se manifeste et en jazz et en musique rock et en chanson, c'est que il y a des portes qui se ferment. Ouais. Duplessis meurt. C'est la voie maritime qui commence, qui s'ouvre au Québec. Donc, tout ça, ça amène un flot aussi d'histoires à raconter. Et c'est ce que la chanson va nous raconter. La chanson va nous dire, va prendre position, nous dire qui nous sommes. Et moi, je pense que c'est un des premiers auteurs aussi, compositeurs dont on parle pas beaucoup, mais qui est celui qui a été fondateur de cette période-là, c'est bien Georges Dor. Bon. Et qui était réalisateur à Radio-Canada à cette époque-là, aux Nouvelles. Ce sera peut-être l'objet d'une édition spéciale d'Aujourd'hui de l'Histoire. C'est Sylvain Cormier, de quoi on aurait pu aussi parler? Ben, on aurait pu partir, par exemple, de la mort de Hank Williams en 1953, qui nous aurait mené à Patsy Cline et qui nous aurait mené au country moderne, tel que produit par un Owen Bradley à Nashville. On aurait pu passer par les grands albums pop de Frank Sinatra, parce que cette musique pour adultes, grand public, continue d'avoir lieu et atteint un niveau de qualité extrême. Me voyez-vous prendre des notes? Stanley Payant. Le 13 juillet, 4 jours avant la mort de Billie Holiday, Ray Charles lance What I Say, une chanson qu'il a improvisée sur scène au début de l'année et qu'il a dit à ses producteurs, je pense que je tiens quelque chose. Elle dure 6 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire un 45 tours avec 6 minutes. On va la scinder en deux. Il y aura première partie, deuxième partie. Et cette chanson, à cheval sur le blues, le rhythm and blues, un peu de jazz, c'est une improvisation, va... plus ou moins donner naissance à ce qu'on appellera la soul. Voilà. J'en avais le pressentiment, j'en ai maintenant la certitude. On était un peu fous d'essayer de résumer une décennie en musique en 53 minutes. Merci beaucoup, Élisabeth Gagnon, d'avoir participé à ce jeu. Sylvain Cormier, Stanley Péan, ça a été un grand plaisir. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, Mario Bolduc à la recherche d'archives, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. You see the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now. Mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas.